diable. Comment il arrive à faire ça? J'ai fini par avoir tout imaginé. Mais comment ces grosses coupures? J'ai laissé quelques blessures. Je veux gratter mes têtes et pour quand j'avenais. On a les câbles, on est béni. Un sac de 500 qu'on en bénit. Faut que je m'éloigne d'eux, c'est que des salopes, je suis trop sincère. Mon bébé t'as trop de vice, vice. Là tu vas pas me la faire. Des milliers dans une main, une autre affaire. J'étais trop sincère, frère. J'étais trop sincère. Ici toutes les fleurs ont fané. Allez pas quand je braque tes panés. On a niqué des mères toute l'année. On est monté de deux, trois paniers. Je compte plus les blessures, les balafres. Vendre de la cocaïne dans sa lade. J'écoutais tes tubes il y a quelques années. Mais malheureusement t'es plus là. Toujours des bécanes dans le secteur. Sans démarre c'est fini. Et s'il y a une centaine de mecs qui parlent, je sors les 9000. Peu importe ce qu'elles pensent, pour sa paire de 1, tu pourrais tout mettre dans Lamborghini. T'as mis du LV, du Christian Dior. Oh, je vais faire plus d'ennemis. J'ai pris plus beau yacht, j'ai monté la plus belle à bord. Jamais une femme ne m'a dit, je suis pas d'accord. Ne regarde pas les autres, je suis le plus fort. Mais fort, j'ai fini par avoir tout imaginé. Mais comment c'est grosse coupure? J'ai laissé quelques blessures. Je veux gratter mes têtes et hauts quand j'arrenais. On a les câbles, on est béni. Un sac de 500 qu'on en bénit. Faut que je m'éloigne d'eux, c'est que t'es salope, je suis trop sincère. Mon bébé t'as trop de vice, vice. Non tu vas pas me la faire. Des milliers dans une main, une autre affaire. J'étais trop sincère, frère. J'étais trop sincère. Un verre, je ressens la brise au bord de l'eau. Le corps incroyable, t'as pas besoin de te faire tatouer dans le dos. Je sais très bien quand tu m'évites. C'est que Dieu m'étend, ouais. Si quelques millions se gênent, les savais pas mon bain parce que je t'aurais. Quand je te regarde, je suis dans un film. Film. Et toi, je te vois comme Elvira. Tu parles avec Marie-Jarine. J'ai pris plus beau yacht, j'ai monté la plus belle à bord. Jamais une femme ne m'a dit, je suis pas d'accord. Ne regarde pas les autres, je suis le plus fort. Des forts, j'ai fini par avoir tout imaginé. Mais comment c'est grosse coupure? J'ai laissé quelques blessures. Je veux gratter mes têtes et hauts quand j'arrenais. On a les câbles, on est béni. Un sac de 500 qu'on en bénit. Faut que je m'éloigne d'eux, c'est que des salopes, je suis trop sincère. Mon bébé t'as trop de vice, vice. Non tu vas pas me la faire. Des milliers dans une main, une autre affaire. J'étais trop sincère, frère. J'étais trop sincère.